الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc après une petite rupture due au pèlerinage, on reprend l'explication du livre Al-Wajih sur Fiqh Sunnati ou Al-Kitab Al-Aziz, toujours dans le livre des ventes. Le cours dernier, on avait traité des catégories de ventes qui sont interdites, ou plutôt de ce qui est interdit de vendre. Mais la yajuzu bay'u. La première de ces choses qu'on avait vues, c'était Naam, ahsant. Al-khamru. Al-khamru qui est le vin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hurrimat al-tijaratu fi al-khamr »« Hurrimat al-tijaratu fi al-khamr » que la vente ou le commerce dans le vin et l'alcool est interdit. « Wal-khamru kullu ma askara fa huwa khamr » Tout ce qui enivre est considéré comme du khamr. Et il y a une autre règle en islam qui est « Ma askara kathiruhu fa qaliluhu » Haram, ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité, même si cette petite quantité en elle-même n'enivre pas. Même si cette quantité en elle-même n'enivre pas. Ensuite, on avait vu également qu'il était interdit de vendre une bête morte, qu'il était interdit de vendre du porc, et également qu'il était interdit de vendre des statues. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit cela, comme cela est rapporté dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah et son envoyé ont interdit la vente de l'alcool, la vente de la bête morte, la vente du porc et la vente des statues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam où les compagnons ont demandé concernant la graisse des bêtes mortes qu'ils l'utilisaient pour enduire leur bateau, qu'ils l'utilisaient aussi pour embellir leur peau, les peaux des bêtes qu'ils tannaient, et qu'ils utilisaient également cette graisse de bêtes mortes pour en faire des bougies. Et le prophète sallam a dit « La huwa haram »« La huwa haram » non, il est interdit. Et on avait expliqué qu'il y avait deux avis de savants. Certains savants ont compris la huwa haram, c'est-à-dire que même cette graisse est interdite. Même la graisse de la bête morte est interdite. Et d'autres savants ont dit la huwa haram, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait ici parler uniquement de la vente de la bête morte et de sa graisse, et non pas de son utilisation. Car ici, le prophète sallam a utilisé le terme « huwa » qui est masculin, et qui revient au terme « bay'a ». Car le terme « bay'a » en arabe, c'est un nom masculin. Et « al-shahma », c'est un nom féminin. Et si le prophète sallam voulait, dans sa réponse, parler de l'interdiction de la graisse, il aurait dit « la hiya » haram. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La huwa haram » en parlant de la vente. Également, ce qui est interdit de vendre, c'est le chien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le rapporte Abu Mas'ud al-Ansari, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an thamani al-kalb. An thamani al-kalb. Le professeur Sam a interdit de prendre un bénéfice dû à la vente d'un chien. Dû à la vente d'un chien. Et certains savants ont compris que cette interdiction englobait tous les chiens, quelle que soit leur race et quelle que soit l'utilisation qui en est voulue, que ce soit un chien de garde, que ce soit un chien de chasse, que ce soit un chien berger, dans tous les cas, ou que ce soit un chien sans aucune utilité évidente, si ce n'est que pour avoir une compagnie, tout ceci est interdit. Et d'autres savants, comme Cheikh l'Albani, rahimahullah, eux ont autorisé la vente du chien de chasse, ou de ceux qui sont les chiens qu'on a le droit d'avoir islamiquement, qui sont le chien de chasse, le chien de garde et le chien de troupeau, le chien berger. Car il y a un hadith du Prophète sallam, نهى عن ثمن الكلب إلا كلب حراسة إلا كلب حراسة sauf le chien de garde. À quoi ça importe? Et les savants qui interdisent la vente de toute race de chien, quelle que soit son utilisation, lorsque la question leur est posée, comment s'acquérir donc un chien de garde ou un chien de chasse ou un chien berger, ces savants répondent que ces chiens doivent se donner et ne doivent pas se vendre. Qu'ils doivent se donner et ne doivent pas se vendre. Et également, un autre hadith du prophète sallam, lorsqu'il dit, un hadith authentifié par Cheikh l'Albani, que celui qui vient vous demander de l'argent en l'échange d'un chien, remplissez sa main de poussière. Remplissez sa main de poussière. Et à titre de faïda, pour apporter un plus que je ne pense pas l'avoir cité dans le cours précédent, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'i as-sinawwar. As-sinawwar. Et as-sinawwar signifie le chat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre la vente de chat également. Et les savants ont expliqué ce hadith en voulant dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par le chat sauvage, celui qui n'est pas apprivoisé. Quant à celui qui est apprivoisé, un chat domestique, il est, selon l'avis de la plupart des savants, je brûle à la main, qu'il est autorisé de le vendre. Ensuite, on avait parlé de la quatrième chose qu'il est interdit de vendre, ce sont les photos ou les représentations ou les images qui comportent ou qui ont une âme, représenter quelque chose qui a une âme. Et on avait cité le athar de Abdullah al-Sa'id ibn Abi al-Hassan lorsqu'il était avec Abdullah ibn Abbas, et lorsqu'un homme est venu vers lui en lui yani, qui avait pour gagne-pain la représentation de formes d'objets ou de choses qui ont, plutôt de choses qui ont une âme. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, lui a rapporté ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui représente une chose qui a une âme, qu'Allah azza wa jalla le châtiera le jour du jugement et lui demandera d'insuffler dans cette chose une âme, et il ne pourra pas le faire, car seul Allah azza wa jalla en a la capacité. Et cet homme, il est devenu rouge, il a eu peur à la fois de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et penser à comment acquérir ou comment gagner sa vie par la suite. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu lui a dit, si tu veux absolument faire des représentations, alors représente cet arbre là ou tout ce qui n'a pas d'âme. Représente alors cet arbre là, il lui a montré un arbre. Représente cet arbre, dessine-le, embellis-le, etc. Ou bien toute chose similaire qui n'a pas d'âme. Et je pense que c'était là où on s'est arrêté. Non. Il dit le mu'allif, خامسا الثمر قبل بدو صلاحه. Donc la cinquième chose qui est interdite de vendre, ce sont les fruits avant qu'ils ne soient mûrs. Avant qu'ils ne soient mûrs. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال يحمار أو يصفار وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له وما تزهى قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. Donc la cinquième chose qui est interdite de vendre, ce sont les fruits avant qu'ils ne soient mûrs et qu'ils ne soient consommables. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a interdit de vendre des fruits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à qui? Interdit au vendeur ou bien à l'acheteur ou bien aux deux? Aux deux. Ici, l'interdiction est aux deux, à la fois au vendeur et à la fois à l'acheteur. Il a interdit de vendre des fruits. Et les fruits, ce sont tout ce qui est connu comme étant fruits. Ça peut être une date, ça peut être des raisins, ça peut être des pêches, des abricots, des pommes, des poires, etc. Tout ce qui est fruit. Hatta yabdoua salahuha. Hatta yabdoua salahuha. Jusqu'à ce qu'elle soit mûre, ou jusqu'à ce qu'il en apparaisse la bonne consommation. Jusqu'à ce qu'il apparaisse de ces fruits, qu'ils sont consommables. Aïkoum salam wa rahmatullah. Jusqu'à ce qu'il soit consommable. Comment savoir qu'un fruit est mûr? Hein? Il change de couleur. Au toucher. Hein? Oui, mais à partir du moment où on peut le manger, ça c'est la règle. Maintenant, quand est-ce qu'on peut le manger? Non. Par rapport à la saison du fruit. Par rapport à la saison du fruit. Est-ce qu'il y a une règle générale? Non, il n'y a pas de règle générale. C'est chaque fruit. Il y a une méthode et une façon de reconnaître s'il est mûr ou pas. Certains fruits, on reconnaît qu'ils sont mûrs par leur couleur, d'autres par leur odeur, d'autres par leur toucher. Une pastèque, comment vous savez qu'elle est mûre? Hein? Ça peut être à la couleur, mais aussi au toucher. Un melon, ça peut être à la couleur, au toucher, mais aussi à l'odeur. Et chaque fruit a son moyen d'être reconnu comme étant bon à la consommation ou non. Et certains savants ont autorisé la vente de fruits qui ne sont pas mûrs, à une condition, c'est que les fruits soient arrachés des arbres. C'est que ces fruits soient arrachés. Pourquoi? Car certaines personnes, certains fermiers ou autres, ont besoin, des fois, ou des agriculteurs ont besoin de fruits qui ne sont pas mûrs, soit pour nourrir leurs bêtes ou autres. D'accord? Et ici, les savants l'autorisent à condition que les fruits soient, soient arrachés des arbres ou de la terre. Pourquoi? Pourquoi la condition qu'ils soient arrachés? Parce qu'en étant toujours dans cet arbre ou dans la terre, est-ce qu'ils peuvent être sujet à une détérioration ou à une malformation ou à, une épidémie par exemple. Oui ou non? S'il reste dans l'arbre, il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir un microbe ou un virus ou toute autre maladie des fruits, car il y a beaucoup de maladies dans les fruits qui peuvent toucher ces fruits et les rendre inutilisables. Donc, certains savants autorisent cela pour ceux qui en ont une utilité, à condition d'arracher ces fruits. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُ » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a interdit également, donc il a interdit de vendre les fruits avant qu'ils ne soient consommables, et il a interdit de vendre un palmier « hatta yazhu » jusqu'à ce qu'il rougisse. Jusqu'à ce qu'il rougisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ici le verbe « yazhu ». Qila, il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « wama yazhu », c'est-à-dire « mûrir ». Jusqu'à ce qu'il mûrisse, jusqu'à ce que ce palmier soit mûr, c'est-à-dire que les dates qui y sont soient mûres. « Wama yazhu » c'est-à-dire comment est-ce qu'il est mûr, ou comment reconnaît-on qu'il est mûr? Le professeur Sam a dit « Yahmarra ou yasfar » Le professeur Sam a dit « Lorsqu'il rougit, c'est-à-dire lorsque les dates présentes dans ce palmier sont rouges ou jaunes. » Lorsqu'elles sont rouges ou jaunes. Et dans l'autre hadith de Anas également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente des fruits jusqu'à ce qu'ils mûrissent. Il a été dit, et comment reconnaît-on que ces fruits sont mûrs? Il a répondu, hatta tahmar, jusqu'à ce que ces fruits rougissent, jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أرأيت إذا منع الله ثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ Ne vois-tu pas si Allah arrête ses fruits, c'est-à-dire si Allah fait en sorte que ses fruits n'arrivent pas à maturité? Qu'aura pris alors, ou qu'est-ce qui justifiera l'argent que tu as pris de ton frère? Comme cela est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Et ainsi, tu vends un arbre qui comporte des fruits qui ne sont pas mûrs, et que la vente est conclue, deux semaines après, il y a une maladie qui touche ces fruits, ou des intempéries, ou autres, qui font que ces fruits ne seront plus utilisables et encore moins vendables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bima yakhudu ahadukum al-akhi » Dans ce cas-là, qu'est-ce qui justifiera l'argent que tu as pris de ton frère durant cette vente? Tu as vendu quelque chose qui est inutilisable pour ton frère. Donc, cela est interdit. Vends quelque chose qui est prêt à être consommé. Sadisan, azzaru qabla ijtidadi habbi. Sixièmement, il est interdit de vendre des récoltes avant que le grain ne soit mûr. Non. Les deux parties sont d'accord pour acheter les fruits qui ne sont pas mûrs, mais c'est pas autorisé, hormis le paysan. Hormis, comme on l'a dit, le cas où le paysan qui a besoin de fruits qui ne sont pas mûrs, et on avait dit à condition qu'il les arrache et qu'il prenne ces fruits, qu'il les enlève de cet arbre. Car lorsqu'il les a enlevés de cet arbre, il aura ce qu'il a voulu en sa possession. طيب, donc sixièmement, الزرع قبل الشداد حبه. Donc selon Ali ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'i an-nakhl hatta yazhu wa 'an as-sunbul hatta yabyad wa ya'manu al-'aha naha al-bai'a wal-mushtari naha al-bai'a wal-mushtari. Donc selon Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente d'un palmier jusqu'à ce qu'il mûrisse, wa 'an as-sunbul, et il a interdit la vente de l'épi de blé, hatta yabyad, jusqu'à ce qu'il blanchisse. Pourquoi est-ce que le prophète a utilisé ce terme blanchir? Car en général, les grains de blé ou les épis de blé hein, qui comportent plusieurs grains, lorsqu'ils ne sont pas mûrs, ils ne sont pas blancs car à l'intérieur il y a encore de l'eau. Comment on connaît un blé lorsqu'il est mûr ou pas? C'est lorsqu'il y a de l'eau à l'intérieur ou non. Lorsqu'il n'y a plus d'eau et qu'il est sec, il a tendance à blanchir. Et qu'il soit préservé ou qu'il soit épargné de la maladie. Nahal ba'i'a wal mushtari. Le professeur sallam a interdit ceci au vendeur et à l'acheteur. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Abu Daoud également, Tirmidhi et An-Nasa'i. Donc dans ce hadith, le professeur sallam a interdit à qui? Au vendeur et à l'acheteur. Donc cela vient justifier l'explication que l'on a donnée dans le premier hadith de Anas, lorsque le prophète a interdit, c'est-à-dire qu'il a interdit à la fois au vendeur et à la fois à l'acheteur. C'est clair? Oui, il y a pour le moins l'ifbab ou le khiyar. Puis l'auteur passe au chapitre du choix. Du choix, ta'rifuhu, la définition. Qu'est-ce que la définition du choix dans le chapitre ou dans le livre des ventes? تعريفه هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء. Avoir le choix, c'est-à-dire de demander la meilleure des deux choses, que ce soit continuer la vente ou bien l'annuler. C'est-à-dire avoir la possibilité de demander ce qui est le mieux pour soi, à savoir soit de conclure la vente ou soit de l'annuler. Car il y a certains cas où le mieux pour toi c'est d'annuler la vente. Et dans d'autres cas, le mieux pour toi c'est de la conclure. Aqsamuhu awwalan khiyar al-majlis. Wa yathbutu lil-muta'aqidayn min hin al-'aqd ila an yatafarraqa ma lam yatabaya'a 'ala al-khiyar. أو يسقطاه بعد العقد أو يسقطه أحدهما فيسقط حقه ويبقى حق الآخر. Ils sont, il y a plusieurs sortes de choix, ou il y a plusieurs cas dans lesquels il y a le choix. Le premier, khiyar ou le majlis, c'est le choix de l'assise, si on traduit littéralement, le choix de l'assise. Et le choix de l'assise, c'est-à-dire qu'on, quand on parle d'assise, c'est l'endroit où a lieu la vente. Et ce n'est pas une condition d'être assis. Ce n'est pas une condition d'être assis. Quand on dit khiyar ou le majlis, c'est le choix que tu as tant que tu es dans l'endroit où la vente se conclut. Et pourquoi les savants utilisent le terme majlis, c'est-à-dire l'assise? Car en général, dans les endroits de vente, les gens sont le plus souvent assis. Et cela n'empêche pas que, quelquefois, ils soient debout. ويثبت للمتعاقدين. Et les deux, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, ont le choix de continuer la vente ou de l'annuler à partir du moment où ils ont commencé les transactions jusqu'à ce qu'ils se séparent. Jusqu'à ce qu'ils se séparent. ما لم يتبايعا على اللاخيار. ما لم يتبايعا على اللاخيار. Sauf si dans leur transaction de vente, ils ont tous deux, c'est-à-dire à la fois l'acheteur et le vendeur, décidé qu'il n'y a pas de choix. Décidé qu'il n'y a pas de choix. C'est-à-dire deux personnes, un qui vend une voiture, l'autre qui veut l'acheter. Le vendeur dit: je te vends la voiture à condition que lorsque la vente sera conclue, tu n'auras plus droit à quelconque rétractation. C'est-à-dire tu ne pourras pas me la rendre. Et moi aussi, je ne pourrai pas te la reprendre. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. La vente est conclue. D'accord? Et ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Et toujours en étant en présence l'un avec l'autre, le vendeur ou l'acheteur décide de ne plus acheter cette voiture. Est-ce qu'il aura le droit? Non. Par contre, s'il n'avait pas donné ou posé cette condition, si l'acheteur dit, voilà, je te vends telle voiture, ok, on est d'accord, pour tel prix, très bien, je prends la voiture, il n'y a pas de souci, tiens l'argent, tiens la voiture. Ils sont toujours ensemble. Et puis, l'acheteur dit, non, en fin de compte, je ne veux pas la vendre, je vais la reprendre. Est-ce qu'il a le droit? Oui, car ils ne se sont pas séparés, et ils n'ont pas posé comme condition que ni l'un ni l'autre n'aurait le choix, ou n'aurait plus le choix, ou n'aurait plus de choix d'annuler la vente. أو يسقطاه بعد العقد. Ou bien أو يسقطاه بعد العقد. أو يسقطه أحدهما. أو يسقطه أحدهما. Ou bien que l'un يعني, considère que de son côté il n'a plus de choix, qu'il ne peut plus se rétracter, et qu'il laisse le choix à l'autre. Par exemple, il se vend l'acheteur, un acheteur et un vendeur. L'acheteur achète une voiture et le vendeur dit, je te vends la voiture et je te laisse à toi uniquement le choix de continuer la vente ou de l'annuler. Quant à moi, la voiture pour moi elle est vendue. Donc qui a le choix dans cette transaction? C'est l'acheteur uniquement. Il n'y a que lui qui aura la possibilité de continuer la vente ou de l'annuler. Quant au vendeur, pour lui, c'est engagé à ce que la vente soit toujours maintenue. فَيُسْقِطُ حَقَّهُ وَيَبْقَى حَقَّ الْآخَرِ. C'est ça que l'auteur dit. فَيُسْقِطُ حَقَّهُ. Il enlève son droit et il laisse le droit à l'autre. عَلِي بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق قبل أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. حديث متفق عليه. Et selon Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte qu'il a dit, lorsque deux hommes, font une transaction commerciale, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un acheteur et un vendeur, est-ce que ceci est propre aux hommes? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que c'est la même chose pour les femmes ou est-ce que c'est un jugement propre aux hommes? Général. Pourquoi ici le prophète s'est dit Rajoulan? Ahsante, car la plupart du temps, ce sont les hommes qui font des transactions commerciales. Fakul wahid minhuma bil khiyar. Chacun d'entre eux a le choix. Chacun d'entre eux, c'est-à-dire chacun de l'acheteur et du vendeur, a le choix. C'est-à-dire de continuer la vente ou de se rétracter. Ma lam yatafarraqa aw wa kana jami'a, tant qu'ils ne se séparent pas et qu'ils soient ensemble. Tant qu'ils ne se séparent pas et qu'ils soient toujours ensemble. Tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire de l'endroit où a lieu la transaction. وَكَانَ جَمِيعًا, et qu'ils soient ensemble. Ici, le prophète sallam a voulu appuyer et a voulu expliquer ce que veut dire tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire tant qu'ils sont ensemble. أو يخير أحدهما الآخر. Ou que l'un d'entre eux donne le choix à l'autre. فإن خير أحدهما الآخر. Si l'un d'entre eux donne le choix à l'autre, فتبايع على ذلك. Et qu'ils aient conclu la vente dans ceci, c'est-à-dire dans le fait que l'un a le choix ou que l'un donne le choix uniquement à l'autre, wajab al-bay', alors la vente est obligatoire. C'est-à-dire, la vente est obligatoire en prenant en compte cette condition. C'est-à-dire que la vente est obligatoire dans ce cas comme il a été décrit. C'est-à-dire qu'ils seront obligés de conclure la vente et que l'un d'entre eux uniquement aura le choix sans l'autre. C'est clair ? C'est clair ou pas ? وإن تفرق بعد أن تبايع. Et si ils se séparent après avoir conclu la vente, ولم يترك واحد منهما البيع, et que aucun de l'acheteur et du vendeur n'a annulé la vente, فقد وجب البيع, alors la vente est obligatoire. C'est-à-dire la vente doit obligatoirement être conclue. S'ils se séparent et qu'ils se sont mis d'accord sur la vente et qu'ils se séparent et que ni l'un ni l'autre ne s'est rétracté pendant qu'ils étaient ensemble, une fois séparés, la vente doit obligatoirement être conclue. فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. Comment définir la séparation ? Quand est-ce qu'on considère deux personnes comme étant séparées ou non ? Les savants disent qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de définition bien claire qui viendrait dire, voilà, la définition de la séparation, c'est ça. Si elle est appliquée, c'est une séparation. Si elle n'est pas appliquée, ce n'est pas une séparation. Il n'y a pas de règle. Et les savants retournent cela au urf, c'est-à-dire à ce qui est connu chez les gens. À ce qui est connu chez les gens à travers les différents pays, les différentes contrées, etc., les différentes traditions, différentes coutumes. Ce qui est connu dans un pays comme étant une séparation, alors c'est une séparation. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة خشية الاستقالة. Et il est interdit de se séparer de l'endroit où est conclue la vente de peur que la vente ne soit annulée. عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي. Selon عمرو بن شعيب, selon son père, selon son grand-père, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-bay'ani bil-khiyari. Le vendeur et l'acheteur ont le choix. Ma lam yatafarraqa. Tant qu'ils ne se séparent pas. Illa an takuna safqata khiyarin. إلا أن تكون صفقة خيار سوف s'il y a un accord de choix ou de rétractation. Et ici le prophète sallam a utilisé le terme safqa qui veut dire safqa. C'est le fait de frapper des mains. Car en général le vendeur et l'acheteur lorsqu'ils lorsqu'il conclut une vente, il y a soit un serrage de main, ou soit l'un tape la main de l'autre pour dire voilà, c'est bon, c'est conclu. Il la safqata khiyar, c'est-à-dire, sauf s'ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il y a un choix après s'être séparés. Car ils peuvent se mettre d'accord sur le fait que je te vends cette voiture, on se met d'accord sur le fait que même après avoir quitté l'endroit de la vente et qu'on se soit séparés, on se met d'accord sur un nombre de jours ou une période d'essai ou de rétractation dans laquelle à la fois le vendeur et l'acheteur ont le droit de se rétracter. Ceci est autorisé. Illa an takuna safqata khiyar. Donc dans ce cas-là, même s'ils se séparent, ils ont le droit de conclure ou d'annuler la vente par la suite. Et les savants disent que dans ce cas-là, il faut que la durée soit déterminée. Ils ne peuvent pas se séparer en disant c'est bon, même après la vente, chacun aura le choix de continuer ou non la vente, sans donner de date. Au bout de 2 ans, c'est bon, vraiment ma voiture. Ou au bout de 2 ans, tiens ta voiture, j'en veux plus. Non, il faut que la durée d'essai ou la durée de rétractation soit définie à l'avance. فَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً يَسْتَقِيلًا. Le Prophète صلى الله عليه وسلم dit, et il n'est pas autorisé. Il ne lui est pas autorisé. Et ici, le Prophète صلى الله عليه وسلم parle à la fois du vendeur et de l'acheteur. Il ne lui est pas autorisé de se séparer de son compagnon de peur qu'il se rétracte. Autrement dit, un homme vend une voiture, il veut absolument la vendre. L'acheteur, il se met d'accord avec l'acheteur sur le prix, etc. Ils n'ont pas posé de conditions de rétractation après l'acte de vente. Donc, théoriquement, s'ils se mettent d'accord et qu'ils se séparent, est-ce que la vente est conclue? Oui. Mais ce vendeur veut absolument vendre sa voiture et ne veut pas que cette vente ne soit pas conclue. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est bon, tiens, on se met d'accord, le prix, tiens, bon, ça va, écoute. Il quitte, il se sépare de l'acheteur. Dans quel but? De peur que cet acheteur-là ne revienne sur sa vente. Ceci est interdit. Ceci est interdit en islam. Et c'est dans ce hadith, on voit bien, on comprend mieux le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu binniyat, que les actes valent par leur attention. Et deux personnes qui se séparent dans de bons termes, ils se sont séparés. Cette séparation est autorisée. Car il n'y a pas eu de ruse ou il n'y a pas eu de peur que l'un se rétracte. Et dans un autre cas, les deux mêmes personnes qui se séparent, mais l'un se sépare de peur que l'autre n'annule sa vente. Dans ce cas, cette séparation du côté du vendeur est interdite. Et ceci, qu'est-ce qui a fait que cette séparation soit interdite pour lui? C'est son intention. L'intention d'esquiver ou de peur que l'acheteur n'annule la vente. Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle est interdite vis-à-vis du vendeur qui est parti. Hein. C'est celui qui part de peur que l'autre n'annule qui a fait un péché, pas l'autre. Non, ça c'est qu'on soit d'accord sur ça. Pareil. Et l'acheteur lui veut absolument acheter cette voiture, pour lui c'est un prix, c'est un bon prix, etc. Il a peur que d'une seconde à l'autre, le vendeur dise non, je l'ai pas vendu assez cher, j'augmente mon prix. D'accord, donc ça vaut à la fois pour le vendeur et l'acheteur. Est-ce qu'il faut un motif pour la rétractation, même si tu dis dans 5 jours, tu peux dire je reprends mon voiture? Non, il n'y a pas de motif. S'il veut, par exemple, de la revendre plus cher à quelqu'un d'autre. Non, il n'y a pas de motif. À partir du moment où ils se mettent d'accord, après, tout dépend, s'ils se mettent d'accord, par exemple, s'ils posent comme condition, si tu trouves un défaut dans la voiture dans les 5 jours qui suivent, j'accepte que tu me la rendes. D'accord ? Là, la condition, elle est bien précise. Mais s'il dit, bah, tu as le choix de la rendre ou pas au bout de 5 jours, là, même sans aucune raison, tu as le droit de la rendre. Saniyan, khiyar ou shart. Deuxièmement, le choix sous condition. خيار الشرط وهو أن يشترط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. Donc خيار الشرط c'est-à-dire le Khiyar al-shart, c'est-à-dire le choix sous condition. Le choix sous condition, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix sans limite. Et quelle est la définition de ce type de choix ? C'est-à-dire qu'il pose comme condition à la fois le vendeur ou l'acheteur, ou bien l'un d'entre eux, qui donne le choix à l'autre pendant une durée déterminée. Il a muddatin ma'louma. Fayasihu wa in talatil mudda. Et cette condition sera valable, ou ce choix sera valable, même si la durée est longue. Même si par exemple, c'est dit, voilà, je te laisse le choix, tu as un an, on se met d'accord sur un an. Pendant cette année-là, tu auras le droit de rendre ce que tu as acheté quand tu voudras. À partir du moment où ils se sont mis d'accord sur ça, même si la durée est longue, cela est valable. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna bil khiyar » que le vendeur et l'acheteur ont le choix dans leur vente « ma lam yatafarraqa » tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire tant qu'ils ne se séparent pas, ils ont le choix « aw yakuna al bay'u khiyara » ou bien qu'il y a dans la vente un choix qui a été donné de part et d'autre, ou d'un côté sans l'autre. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Thalithan, khiyar al-aib. Le choix lorsqu'il y a des défauts. Faqad taqaddama an-nahyu 'an kitman al-aib. Fa idha ishtara ar-rajulu sil'atan ma'iba wa lam yadri bil-aib hatta tafarraqa falahu raddu as-sil'ati 'ala bay'iha. L'auteur dit, il a été cité précédemment, l'interdiction de cacher les défauts dans une vente. Lorsque un homme achète une marchandise qui comporte des défauts dont il n'a pas la connaissance, et qu'il s'en rend compte après s'être séparé de son vendeur, فَلَهُ رَدُّ السِّلْعَ عَلَى بَيْعِهَا. Il a le droit de rendre la marchandise à son vendeur. La preuve, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين إما أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود. Donc la preuve qu'il est autorisé de la vendre, de rendre une marchandise comportant des défauts qui ont été constatés après, après la séparation, qu'il est autorisé à l'acheteur de la rendre à son vendeur, la preuve est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui achète des bestiaux, musarratan, c'est-à-dire des bêtes que ce soit des brebis, des chèvres, des ça peut être aussi une vache ou autre. Musarratan, c'est-à-dire que l'on n'a pas comment on dit ça, que l'on n'a pas sorti le lait. C'est quoi le verbe qu'on utilise? Qui n'ont pas été traits et dont le lait a été gardé volontairement dans les mamelles. Donc celui qui achète un animal, une bête qui n'a pas été traitée, ou qui n'a pas été trait, et qui sort le lait de cet animal, il constate cette tricherie, que le lait a été laissé volontairement pour faire croire à l'acheteur que cette brebis ou cette vache est abondante en lait. Et constate par la suite que ce n'est pas le cas et que le lait a été laissé volontairement dans les mamelles. Le professeur Aslam dit « Fa'in radiyaha amsakaha » S'il est satisfait de cette bête, qu'il la garde. Et s'il n'est pas content, et s'il n'est pas satisfait de cette bête qu'il a achetée, malgré ce défaut, alors, ou bien à cause de ce défaut, il doit rendre la bête, et en plus un sa' de date. Et en plus un sa' de date, en guise de compensation du lait qu'il a pris. En guise de compensation du lait qu'il a pris. Et un autre hadith, le hadith de Abu Huraira radhiyallahu anhu également, qui apporte que le professeur Hassan a dit « La tusarru al-ibil wal-ghanam ». La tusarru, donc ça vient du terme « at-tasriya ». Et « at-tasriya », ça signifie « al-jam », ça signifie le fait de rassembler. De rassembler quelque chose. Et c'est pour cela que ce terme a été utilisé pour montrer, ou le Prophète a dit là, tosarro, c'est-à-dire ne faites pas en sorte que le lait se réunisse et se rassemble dans les mamelles des chamelles et des bovins. Des chamelles et des bovins. Et des ovins également, de tous les animaux qui produisent du lait. Donc, déjà dans ce hadith, on en déduit l'interdiction de faire à tasriya, l'interdiction de laisser volontairement le lait dans les mamelles des animaux. Ceci, le prophète Sassim a interdit cela pour deux choses. La première, c'est qu'il y a dans cela une tricherie. Il y a dans cela une tricherie, c'est comme quelqu'un qui refait une peinture toute neuve à sa voiture pour cacher les défauts de la carrosserie. D'accord ? Pour la vendre plus cher. C'est exactement la même chose, il y a de la tricherie. Car tu montres que cet animal est abondant en lait alors qu'en vérité non. Et également, cela, le professeur Sam a interdit cela également car tu portes atteinte à l'animal. Cela est douloureux pour un animal de laisser le lait s'accumuler dans les mamelles. D'accord ? Cela porte aussi atteinte à l'animal. فَمَنْ اِبْتَعَهَا بَعْدُ Et celui qui l'achète après, c'est-à-dire après que cet animal a été victime de tasriya, après que le lait ait été rassemblé dans la mamelle sans être trait. فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ Alors, il a le choix de ce qui est meilleur pour lui بعد أن يحتلبها après qu'il ait trait cet animal. إِنْ شَاءَ أَمْسَكْ S'il veut, il garde. وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ Et s'il veut, il la rend avec, en plus, un sa' de tamr. Et un sa' qui est la quantité du sa'a. Non? Arba'atu amdad. C'est 4 amdad. C'est pour ça que le prophète sallam a dit Bikhayri Nazaray. Peut-être que au prix à laquelle tu l'as acheté, ça valait le coup. Justement, si ça valait pas le coup, soit le rendre en donnant pour la bête ou tout ce qui est autre qu'une bête. Est-ce qu'on peut récupérer de l'argent si la bête elle a été achetée à un tel prix, par exemple, pour un livre, et la personne elle demande je la garde, mais Non, soit tu es satisfait, soit tu ne l'es pas. Si tu es satisfait, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa in radiyaha amsak, il la garde. S'il n'est pas satisfait, il la garde. Dans une version de Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fa huwa bil khiyari thalathata ayyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la version de Muslim, il a le choix pendant 3 jours. Et les savants ont pris en compte ce deuxième hadith car il vient préciser le premier. Dans le premier, le professeur Hassan a dit faire wa bil khiyar, il a le choix. Et dans la version de Muslim, le professeur Hassan a dit il a le choix pendant 3 jours. Et les savants ont dit que ce deuxième hadith vient préciser le premier. Et que dans ce cas-là, tu as 3 jours pour rendre la bête. Et celui qui n'a pas de date, qu'est-ce qu'il fait? Les savants disent qu'ils donnent l'équivalent de ce qui est, de ce qui se rapproche le plus des dates. Donc tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant tout ce qui est les différents termes de choix, on voit l'importance que l'islam donne aux transactions et à préserver les droits de chacun, que ce soit le vendeur ou que ce soit l'acheteur. L'islam facilite le plus possible et protège surtout les droits de chacun. Babu riba, le chapitre de riba qui est l'usure. Ta'rifuhu al-riba maqsourun. وهو من ربا يربو فيكتب بالألف وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى اهتزت وربت وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين الربا la définition en arabe الربا l'auteur dit مقصور. C'est-à-dire qu'il fait partie de l'asma, ça veut dire que c'est un ism maqsour. Wal ism maqsour, le mot qui est maqsour en arabe, cela signifie wa mu'rabun khutima bi alifin lazimatin thabita. C'est un mot qui est mu'rab. Qu'est-ce que ça veut dire mu'rab? Non? C'est-à-dire qu'il varie, c'est-à-dire que voilà, que la voyelle finale varie. Ça peut être une kasra, ça peut être une dhamma, ça peut être une fatha, ça peut être un sukun. Et ceci en fonction de l'endroit où ce mot se trouve dans la phrase. Mathalan, al-wardatu ra'i'atun. C'est-à-dire que la rose est belle ou est de bonne qualité. Ici, il y a une dhamma à la fin de l'warda, car c'est un mubtada. Et le mubtada, il est toujours marfou'. Mathalan, wa shamamtu al-wardata. Shamamtu al-wardata. J'ai senti la fleur, ou la rose, ou la fleur. J'ai senti la fleur. Ici, shamamtu al-wardata. Il y a une fatha. Pourquoi? Car c'est un maf'ul bihi, c'est un COD, un complément d'objet direct. J'ai senti quoi? La fleur. Wa استمتعتو بالوردتي استمتعتو بالوردتي j'ai profité de la fleur بالوردتي الوردتي il y a une question à la fin car c'est un ism majrour car il est précédé du ba et le ba fait partie de harf al jar ou harf al jar. Et le contraire de mu'arab c'est mabni. Mabni comme par exemple ha'oula. Ha'oula, ha'oula'i, il sera toujours maksour. Ha'oula'i, il sera toujours maksour. Parlant de eux, le terme ha'oula, quel que soit l'endroit où il est dans la phrase, il sera toujours maksour. Car il est mabni, c'est-à-dire qu'il est invariable, il reste comme ça. Donc, al-ism al-maqsour, c'est un mot qui va, dont la voyelle, la dernière voyelle varie en fonction de l'endroit où il se trouve dans la phrase, et qui se termine par un alif, qui se termine toujours par un alif. Qui se termine toujours par un alif. Et c'est le cas de riba. Al-riba, c'est un mot qui, à la base, change, mais dans lequel il y a un alif qui est mis à la fin et qui reste. Wa huwa min riba yarbu. Et ce mot provient du verbe raba yarbu. Raba yarbu. Fayuktabu bil alif. Wa aslu riba, la signification de riba, hiya ziyada. C'est-à-dire la croissance, l'augmentation. Imma fi nafsi shay. Soit c'est quelque chose qui augmente en soi, comme l'exemple qu'a donné l'auteur, qui est qawlihi ta'ala, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit, selon le sens, wa tara al-arda hamida, et tu vois la terre asséchée. Fa'ida anzalna 'alayha al-ma, et lorsque nous descendons sur elle de l'eau, ihtazzat wa rabat. Elle se lève et elle se gonfle, warabat, c'est-à-dire qu'elle augmente en volume. Wa fi muqabala kadirhamin bidirhamayn. Ou bien, c'est d'ajouter une chose vis-à-vis d'une autre, c'est-à-dire je te donne un dirham et tu m'en donnes deux. Là, les deux sont considérés comme du riba. Wa hukmuhu ar-riba muharramun. بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. Quel est le jugement de l'usure? Son jugement, c'est l'interdiction, et ceci dans le Coran, dans la Sunna, et à l'unanimité de la communauté. Donc l'interdiction de l'usure est présente dans le livre d'Allah, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et fait l'unanimité de la communauté musulmane. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله سبحانه وتعالى dit: Ô vous qui avez cru, craignez Allah et délaissez ce qu'il reste de l'usure si vous êtes croyants, si vous ne faites pas. Préparez-vous donc à une guerre de la part d'Allah et de son envoyé. Et si vous vous repentez, alors à vous votre capital initial, la tadrimuna wa la tadlamun, sans offenser et sans être offensé. Sans offenser et sans être offensé. وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله عز وجل dit, selon le sens, ceux qui mangent l'usure ne se tiennent le jour du jugement que comme se tient celui que le toucher du diable a bouleversé. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله anéanti l'usure et fructifie les aumônes. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حديث متفق عليه. Et selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Abstenez-vous des sept choses destructrices. » Ils ont dit « Quelles sont-elles, ô envoyé d'Allah ?» Il a répondu « D'associer quelque chose à Allah, la sorcellerie, de tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée sans raison valable, ou sans cause islamiquement acceptée, wa aklu riba, la consommation de l'usure, wa aklu mal il yatim, et de consommer l'argent ou les biens des orphelins. Qu'est-ce qu'un orphelin dans l'islam? C'est celui qui a perdu son père. C'est tout. Sans atteindre l'âge de la puberté. Donc un orphelin en islam, c'est celui qui a perdu son père avant d'avoir atteint la puberté. Wattawalli yawm az-zahf, c'est de retourner le dos ou de se sauver lors du combat. Wa qadfu المحصنات الغافلات المؤمنات. وقذف, القذف c'est la calomnie, mais c'est plus précisément accuser quelqu'un d'adultère. القذف c'est accuser quelqu'un d'adultère. وقذف المحصنات, المحصنات ce sont celles qui se préservent, celles qui préservent leur partie génitale. Et est-ce entre également dans ce hadith al-muhsan. Ici, le professeur Hacham a parlé de muhsanat, des femmes qui se préservent. Mais est-ce que cette interdiction englobe aussi les hommes qui se préservent? Oui, car en général, celles qui sont d'entre les hommes et les femmes, ceux qui sont le plus accusés ou le plus souvent accusés d'adultère, ce sont les femmes. C'est pour ça que le professeur Hacham a parlé de al-muhsanat. Al-Ghafilat. Al-Ghafilat, c'est-à-dire qui sont loin de ce qu'on les accuse. Qui sont loin de faire ce qu'on les accuse. Al-Mu'minat et les croyantes. Donc, d'accuser d'adultère des femmes qui se préservent, qui sont loin de ce qu'on les accuse et qui sont croyantes. Donc, ce sont les sept péchés capitaux en islam qui sont destructeurs, c'est-à-dire que celui qui les commet est voué à la perdition, s'il ne se repent pas, bien sûr. Non, tout ceci font partie de Kaber et de Dono. Mais pour accuser d'adultère, il faut 4 témoins, non? Non, il faut 4 témoins pour accuser quelqu'un d'adultère, non? Bien sûr, il faut 4 témoins oculaires qui ont vu, qui ont vu, comme l'a dit Omar al-Khattab, comme un seau entre dans un puits. Et ni celui qui accuse l'adultère, il doit rapporter 4 témoins. 4 témoins qui ont vu l'acte, comme l'a dit Omar al-Khattab, comme un seau entre dans un puits, ou comme ce que les femmes utilisent pour mettre al-kuhl sur leurs yeux. Et ni le bout de bois qui entre dans le récipient où est contenu la poudre. Il doit apporter 4 témoins oculaires qui ont vu la scène. S'il ne les apporte pas, alors tous ceux qui ont témoigné doivent être fouettés de 80 coups de fouet. وَلَمْ تُقْبَلْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Et comme a dit Allah, et leur témoignage ne sera plus jamais accepté d'eux وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Et ce sont eux les pervers. Non. وَعَنْ جَابِرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمَ آكِلَ الرِّبَى وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ حديث صحيح رواه مسلم Donc selon Jabir radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme l'usure, wa mukilahu, et celui qui le donne à consommer. C'est-à-dire celui qui donne l'argent et celui qui donne le surplus. Celui qui donne le surplus. Autrement dit, si une personne prête à une autre 10 000 euros par exemple, pour se mettre d'accord et se mettre d'accord, plutôt celui à qui on a prêté se met d'accord pour rendre 12 000 euros par exemple au bout d'un an, ces 2 000 euros, ce sont riba, c'est l'intérêt interdit. Et à la fois celui qui prend ces 2 000 euros est maudit, mais aussi celui qui les donne. Celui qui les donne. Car certains disent, oui, mais on a le droit de faire. On a le droit de faire des emprunts à la banque avec intérêt, parce que de toute façon, c'est pas moi qui mange l'argent, c'est la banque. Oui, mais c'est qui donne à manger? C'est toi qui donne à manger. Et le professeur Sam a dit, la'anallahu akil al-riba, celui qui le consomme et celui qui le donne à consommer. Et on déduit de ça que celui qui aide à faire une chose interdite revient à l'avoir fait. Comme celui qui aide à faire une chose bien revient à l'avoir faite. Comme l'a dit le professeur Sam, celui qui montre un bien, c'est comme s'il l'avait fait. Et de la même façon, celui qui montre un mal, ou celui qui aide à faire un mal, c'est comme s'il l'avait fait. Wal'iyadu billah. Wa shahidayni. Shahidayni, les témoins de cette transaction. Les témoins de cette transaction, car il est d'accord. Et son témoignage approuve la transaction qu'il y a eu. Il a donc aidé aussi, quelque part, à ce que cette usure soit, ou ce contrat usuaire soit conclu. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, hum sawa, ils sont identiques. Ils sont identiques. Tous ont la même part de péché et tous auront la même, le même châtiment qui est la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك